du débat. Pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Et donc, le premier disque, c'était pas du tout ce que je vous annonçais. Donc, c'est Phil Dark qui a mal fait son boulot. Donc, c'était les Das Punk. Gérard, je reviens des toilettes là. C'est toi qui as pissé sur la planche? Toi, si c'est pour me dire des conneries comme ça, pas, tu vois. Demande. Si c'est pour me dire des conneries comme ça, tu sais ce que tu fais. Tu prends tes clics et tes claques et tu rentres chez toi. Et j'ai okay. Pas de voiture, il n'y a pas de taxi, ça. Ouais, ouais, ben, prends pas les gens pour des cons, d'accord? Donc, on m'a dit d'annoncer pour vendredi à la locomotive, donc, il y aura Gigi Pin, Gigi Jean-Marie. C'est pas des Gigi. C'est ta gueule. Des DJ, donc faut que tu le redises. Oh, écrase-toi, je dis ce que je veux. DJ Jean-Marica, DJ Morve, DJ Langue de Pute, et en exclusivité, Guy et René au percu, et bien sûr, votre serviteur Max. Et donc, vous ils êtes... Ils sont masqués, hein, au percu. Vous êtes toujours sur Fun Radio, donc vous avez écouté les Das Punk et puis un remix de Sur Moi, donc on est toujours sur Fun Radio. Donc apparemment on a perdu du monde sur l'IRC, mais c'est pas grave. On en a pas perdu, hein, c'est qu'ils viennent pas tout simplement. Bah ouais, mais c'est dommage. Par contre ils sont tous sur Minitel. L'ancien David Roche, ouais, on est 1402. Oh. Ouais, mais moi je voudrais bien que ça vienne sur. Il y a un quart qui vient d'arriver d'ailleurs. Je voudrais bien que les gens reviennent sur l'IRC parce que je voudrais attendre les mines. Tu fais un point avec Fildar sur le Minitel, ça marche plus. Hein. Le débat va porter sur les positions. De ça, pour ça, on va cueillir Gros Sado de Lille. Tu peux me donner la fréquence parce qu'au standard, ils n'ont pas été capables de me les donner. Oui, bonsoir, c'est Gros Sado et sur la fréquence 106.9 FM. 106.9, ok. Bonsoir à tous. Godaclou de Calais. Bonsoir. La fréquence 95.2. Ouais, ben, je vais contrôler. Je contrôlerai quand je rentrerai. Gros Palo, 21 ans, Toulouse. Oui, bonsoir. Ma fréquence, c'est le 94. Oh, le Larsen. Oui, mais c'est pas de ma faute, hein. Ouais, ben, si ça avait 15 fils, ça avait pas été. On va régler. Donc, la fréquence 94.7. Et... Bobon Aspers, Sperm, 23 ans de Limoges. Bonsoir Gérard. Bonsoir. La fréquence? C'est 107.3 SM. 107.3. Okay. Bon, celui qui parle derrière, comment ça se la... Ok. Oh, j'en connais un. Il allez va Gérard, pas, on accouche rester... là. Oh, ouais, t'écrases-toi. On n'avance pas avec chaque fois. Attends, c'est pas toi qui commande, c'est moi, d'accord? Non, mais vas-y, GG. Bon, hop là, on éteint, voilà. Alors, quel genre de position aimeriez-vous faire avec votre copine ou copain? Et on demande ça à Gros. Gérard, avant que tu commences le débat, il y a Ice-T sur l'IRC. Il demande si, en fait, tu connais les 101 positions du caca sur toi. Non. Je tu sais, c'est un livre ouais, bah, avec toutes les positions. Ouais, bah, c'est bien. Ouais, bon, caca sur toi. Tu ferais mieux d'acheter un bouquin de cul pour te masturber la nuit. Donc, Gros Sado pour toi. Gros Sado, oui. Bah, moi, comme mon nom le précise bien, la sodomie est déjà empreinte. En 12, la levrette. En 3, le cuny. D'accord. Best of tes positions. Je te les dirai pas, d'accord. Non, mais je te dis best of de mes positions. Ah, ok. Non, mais je te demande quel genre de position aimeriez-vous faire avec votre copain ou copine. Ouais, copine, ouais, bah, c'est ce que je t'ai dit. Sodo, levrette et cuny. D'accord. Godaclou. Ouais bah bon écoute, j'ai fait tout ce qui était possible naturellement de faire, par les voies naturelles ou autres, sexuellement. Donc si tu veux me poser des questions, il n'y a aucun souci. Non mais tu réponds déjà à mes questions, ok. Bah mes positions préférées c'est le cercueil en feu. C'est-à-dire que j'allonge ma copine dans le lit, je mets le feu au lit, et je la noie sous mon sperme et j'éteins le lit. Sous mes éjaculations. Ouais, je crois que... C'est bon ce que tu dis. Gros palo. Oui, bah alors écoute, déjà, merci Gérard de faire ce débat-là, parce que c'est un débat qui me concerne tout particulièrement. Tu es vierge. Elle est énervante, elle. Hein. Et donc, je voulais seulement te remercier, sinon alors mes positions préférées, écoute, j'aime beaucoup de choses. Mais je vais te parler de choses... par exemple, oui, j'aime beaucoup tout ce qui est un petit peu sadomaso. Donc, enfin, pas sadomaso, mais au moins très original. Donc, par exemple, attaché ou les yeux bandés ou alors avec de la nourriture sur soi. Enfin, quelque chose comme du miel, tu vois. Tu vois de quoi je parle. Et enfin, que des choses comme ça. Sinon, j'aime beaucoup la levrette, évidemment. Et, voilà, quoi. Voilà, et on c'est un peu peur comme tu réponds bien aux questions. En plus, hein, elle a une voix pas du tout excitante, je tenais à le dire. Bonbonne à sperme. Bonbonne de sperme. Ouais. Moi j'aime tout, quoi. Par en haut, par en bas, par derrière, par devant. Tout. Tranquille. Ouais. Ouais, pas difficile. Ouais. Non, c'est bien. Et tu kiffes les beaux gosses imitateurs? Je kiffe les beaux gosses, ouais. Ok. Mmh. Imitateurs. Imitateurs aussi, ouais. Okay. Et les frustrés qui doivent prendre des voix débiles, t'aimes bien aussi? Oh, j'adore. Ça va? Ça vous dérange pas si je réponds? Ah, excuse-moi, t'étais là. Si ça te dérange, je te le dis. Y'a pas de problème, vas-y, Gérard, continue. On raccroche? Hein? Ok. Donc, moi, les positions, donc, mais c'est un débat qui est un peu délicat parce que je n'ose pas trop parler de ça parce que ça regarde pas trop les gens, ma vie privée. Bah, nous, on t'en parle, hein, donc tu pourras en parler. Moi, ce que j'aime bien, c'est la levrette et c'est tout. Voilà. Il y a même des fois où tu te trompes de trou, il paraît. Toi, si t'es pas content tout à l'heure, tu vas dégager, ça me perd une place de libre. Bon, mais ça, c'est pas la peine de m'avoir ramené. C'est le livre du Kama Sutra, Gérard. Ouais, c'est les positions. J'en ai rien à foutre, j'ai pas besoin de... C'est bien, c'est le caca sur toi. Il les connaît, Gérard, les poses. Alors, pour... Manu, t'éteins ton micro, s'il te plaît, merci. D'accord. Pour ou contre. Alors, je préviens d'une chose, que si la semaine prochaine j'ai encore des pour ou contre, je lis plus du tout les trucs sur les débats, hein. Ça commence à être lourd. Alors, donc, c'est la dernière fois que je vois ça. Donc, pour ou contre les possessions sexuelles, alors, il y a 30% qui sont pour, mais seulement entre amis. 40% sont contre, sauf si c'est pesable au travail. Gérard, on peut le faire entre potes? Quand je te parle entre copains ou copines, t'avais qu'à répondre à la question. 29% pensent que les positions sexuelles ne servent à rien, donc je sais pas. J'ai oublié une position aussi. Ah, on a raccroché. Voilà. C'est la cabine. J'ai oublié une position que j'aime bien aussi, ça s'appelle le tourniquet. J'ai une fille devant moi, une fille derrière moi, une fille à gauche, une fille à droite, et j'ai mis des coups de quéquette dans le temps direct. En tournant. Qu'utilisez-vous comme matériel ou objet spécialisé dans ce domaine? On va demander ça à Bonbonne de sperme. Moi, j'adore les godes. Ouais. Des gros godes, bien durs et bien, tu vois, bien représentatifs de la verge. Mmh. Voilà. J'aime les godes, ouais. J'aime qu'on m'attache aussi. Ouais, ben ça, c'est carrément truc sadomaso. Ah non, pas du tout. Ah ben si. Il y avait une question hier, c'est... Gérard, tu sais où c'est? Oh, tais-toi, toi. Moi, je voulais dire... Ton cul. Ta gueule. À Bonbonne de sperme, que, bon, je suis sculpteur, hein, et je fais des boules de bites à mon effigie, et si elle veut bien, je lui en enverrai un. Je suis acheteuse, ouais. Qui c'est qui s'amuse à parler, là, quand je demande s'il y avait une question hier, c'est Pedro? Non, Rodrigo. Ça commence à bien faire là, ceux qui s'amusent comme ça, hein, parce que là vous commencez à me gonfler sérieusement. Gérard, j'ai une question au Minitel. Non, il y avait une question hier, c'est une question Minitel, j'en ai rien à cirer. Oui, il y a mon pote Sidney qui est au travail, il dit que... Il y a Raymond, donc lui se demande si c'est possible en fait. Quand tu peux... Ah pardon Rigo, excuse-moi, je t'ai pas me laisser finir. Il y a mon pote Sidney qui est sur son lieu de travail et lui il dit que ce qu'il préfère c'est la levrette avec un doigt dans le cul. Qu'est-ce que t'en penses? Non, pas... c'est quand même assez crade. Hein. Ouais. Mmh. Sinon, il y a Florent sur l'IRC, il te demande si tu pratiques la position du cachalot. C'est quoi ça? C'est salut Gérard, c'est Fred. Ta gueule à toi! En fait, la nana, elle est face au mec qui s'écarte et elle met ses mains devant sa tête pour pas qu'on voit sa sale gueule. Voilà. Sa sale gueule de malouche. Non, de Sandy, il dit, je sais pas. Oh non. Ah bah, non, pas de nom. Rigo. Quand veux-tu que t'aies du monde sur internet? Gros polo. Ouais, Gérard, c'est Marion. Attends, c'est gros palo, s'il te plaît. Gros palo. Oui, bah alors, écoute, moi je pense que... Vous allez vous réveiller plus que ça, ou sinon je vous herbe. Je suis là. J'utilise beaucoup de choses, surtout des menottes que j'ai piquées à la police. Et puis c'est tout, puis beaucoup de choses. Oh là là, les vierges mythomanes. Punaise. God à clou. Le... Tu c'est qui m'a choisi ça, là? Non, mais parce que je pense à autre chose. Qui? C'est les goûts qu'on veut. Hein. C'est moi, moi, je les aime bien. Bien. Ouais, bah, tu les aimes bien, t'es un peu starvé, toi, hein, parce qu'ils dorment à moitié, là. Et d'ailleurs, excusez-moi, à la place de grosse Sodo qui est partie, à tes souhaits, Phil, on va accueillir PD du cul. Bonsoir, PD du cul. Salut, GG. Salut, PD du cul. Salut, ça va? Ça va. La fréquence? Moi, j'appelle de Paris 101.9. Anal. Ok. Mon cul. Oh, ta gueule un peu. Eh, vous allez rester poli parce que là, sinon, je vous herbe tous. GG, tu pourrais me répéter la question, s'il te plaît? Je répète plus les questions. Tu utilises quoi comme matériel? Gérard, t'as pas le sondage sur les positions? Oh, tu tâtes ton... On m'a demandé sur Minitel. Je ne vais pas le savoir. On est 1743. Gérard? Obi-Wan, il te demande si la masturbation, c'est une position sexuelle, et il te demande aussi si l'autosodomie, c'en est une. Non. Pas du tout. PD de cul. Du cul. Excuse-moi, je lui parlais, je lui disais qu'on répète plus les questions, il est là. Vas-y. Okay. Alors, GG? Ouais. Ouais. Alors, ouais, à part ça... C'est le matériel, hein. Le matériel. Oh là là là là là là là là là là. Ouais, ce que je prends, bah, généralement, quoi, je prends souvent des fers à cheval. Que j'installe au pied. Les fers à cheval, Bléral. Non, mais c'est pour Gérard. Alors, tu dégages, hop, allez. Au revoir. Terminé pour toi. Non, comme ça, t'as... Non, c'est bon, t'as répondu. Bien joué, GG, bien joué. Et l'autre, j'en connais un, ça va être Paris, il va gerber aussi s'il continue. Donc, Oh, ça va, Pilar, je t'emmerde pas. Ouais, ça fait 5 fois, je te dis d'éteindre ton micro, tu le laisses. Tu peux parler? Laisse éteindre, t'as rien à dire. Il veut pas que tu parles. Tu t'occupes du standard. Tu gères le standard, alors que moi je peux. Bon, toi, Gérard, tu peux pas. Gérard, alors, sinon... j'ai parlé dans ton micro, Manu. Pour calmer le débat, Gérard... T'as l'air, toi, tu vas te prendre une gaufre, ça va te faire tout drôle. Gérard, on peut revenir au débat ou pas? Ouais, s'il te plaît, parce que sur IRC, il y a mon pote Sidney qui est au travail, il dit que si tu connais pas la lèvrette avec un doigt dans le cul, il veut bien te montrer. Non, j'ai pas besoin de lui. L'autre sondage, positions sexuelles sont-elles interdites? Alors, 12% pensent que oui, c'est interdit. 47% pensent que c'est pour une prostituée, c'est mieux. Ben, je pense aussi. 21% répondent qu'ils s'en foutent, moi aussi. 10% pensent que les interdits sont celles de vestiaires ou foot. Alors là, je vois pas du tout. Je vois pas du tout le. Ah si, les vestiaires, c'est quand tu sors du stade. C'est les pom-pom girls qui se tapent. C'est ça. Si tu tournes à droite. Là, tu ferais mieux de dire pom-pom girls que ça dépend. Ouais, elle est jolie, hein. Elle est belle. Si t'es au parc, en fait, c'est à gauche. Allô. Alors donc, quatrième question, existe-t-il des écoles ou des formations pour apprendre les positions? On va demander ça à Godaclou. Bon Gérard, c'est Fred, tu peux faire ma conclusion? Non, gueule. Je pense qu'il n'existe pas d'école de sexe, on apprend ça dans la vie, le plus tôt possible, si c'est possible. Mais je pense qu'il n'y a pas d'école agréée, non, par l'État ou par rien d'autre. Si, je crois qu'il y a un truc qui dépend de l'Église. Ouais, un truc comme ça, ouais. Il n'y a rien agréé par l'État, mais par les tons, oui. Voilà, excellent. Alors, Pildar, tu fermes ta gueule pour de bon parce que le ton, il t'emmerde. Si tu veux dire Sandy, il t'emmerde. Non, mais là, c'est clair. Et t'es parano, non, c'était un jeu de mots, c'était pas une allusion. Ouais, ben... Tout le monde a kiffé en plus. Ouais, Godaclou, tu t'écrases un petit peu, merci. Gros palo. Ouais, ben alors, à mon avis, c'est instinctif, hein, y a pas d'école. Tout le monde fait ça d'instinct. T'apprends sur le tas, hein, je peux... Exactement, sur le tas. Excuse-moi, mais... Voilà, ça c'est mieux, Philou. Oui, d'accord, ça passe mieux. C'est plus subtil. Bande de sperme. Bonbonne de sperme. Bonbonne. Je prends tellement de bites, c'est banque de sperme. Oh ouais, tu t'écrases. Y a pas d'école, non, mais par contre, moi, je conseille les films. J'ai beaucoup appris en regardant la télé, notamment Canal, et en ce moment, si ça intéresse les gens. Et j'ai beaucoup appris, ouais. Gérard? Non, mais Fildar, c'est la dernière fois que tu me mets des conneries. Mais j'ai rien mis, là. Ouais, ben fais gaffe à ça tout à l'heure. L'autre fois, c'est au standard. Tu t'es pris un briquet, mais tu risques de te prendre ça dans ta gueule encore. Bon, on pourrait continuer, là, parce que je m'échauffe pour la télé, là. Bon, toi, Godaclou, tu t'écrases. Gérard, tout à l'heure, tu as gerbé. Sur IRC, ça remonte un peu. On est 823, parce qu'avant, on était 822. Il y a Arnette, le limeur de fion, qui vient d'arriver. Ok. Gérard, excuse-moi, à la place de PDUQ, on accueille Limeur de Fion. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir. Salut Limeur de Fion. Bonsoir. Bonsoir, ta fréquence? J'écoute sur internet. Ta fréquence? 99.12. Bon, alors, point 1, pardon. Ça n'existe pas. C'est ma radio qui déconne, c'est tout. Ah ouais, ben, toi aussi, tu déconnes. Ok. Hein? Donc, pour toi bah, j'ai pas entendu, j'étais au standard. Il s'est demandé quelque chose. Il la répète pas. Elle s'en occupait. Bon, alors, j'ai compris ce que ça voulait dire. Ok, c'est pas grave, alors... Sur les écoles. Donc, pour toi, la question. Ben, j'ai pas entendu, j'étais au standard. Non, c'est faux. Non, je te l'ai dit, y a-t-il des écoles pour apprendre le sexe, je te l'avais dit. Bah oui, exact, excuse-moi, Manu. Alors là, je pense pas du tout qu'il y ait des écoles pour apprendre le sexe, parce que ça vient tout seul, Gérard. De toute façon, tu seras pas allé, toi. Comment? Oui. Je pense que oui. Manu... Oui, quoi? Apolline, tu peux quand même l'aider. Mais il veut pas que je l'aide. Pour l'instant, vous me prenez que des cons, alors ça commence à bien faire. Ah, on les trouve très bien. Ok, nous. On dégage l'humeur de Fion. Gérard, pour calmer le débat, il y a Yankee qui te demande si t'es plutôt levrette ou analphabète. Aucun des deux, comme ça il est servi. Tout le monde a répondu, donc... Excuse-moi Gérard, j'ai une petite question Minitel. J'ai ma sœur qui me dit... Toi, tu vas te parentuer avec tes messages personnels. Je vais me coucher bientôt, donc lis mon message et n'oublie pas le beurre. Bon, alors, fil d'art, tu dégages, je te veux plus dans à l'aria. Il y a 1900 connectés, faut en parler du Minitel. Va te faire foutre, je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien. Et sinon, j'ai été plus clitoridien, amygdalien ou analien. Vaginal. Bon, vous fermez un peu vos gueules. Parce que tout à l'heure, je sens que ça va vite se terminer, le débat. Donc, cinquième question. Combien de positions existent-ils en France ou autre? On va demander ça à Godaclou, comme il a une grande gueule. Ouais, il y en a beaucoup. Hein. J'ai une grande gueule et une grande bite aussi. Et il y a beaucoup... Ah ouais. C'est vrai. Je te montrerai ça. Il y a beaucoup de positions. Hein. Je crois que ça évolue sans cesse. Hein. Mm-hmm. Et moi, j'en connais beaucoup. Et ouais. Je suis prêt à laisser mon numéro et en apprendre. Ouais, ben, tu laisseras ton numéro au standard, ils s'amuseront avec toi. gros palo. Ouais, alors à mon avis, en France, il y en a énormément. Il y en a encore plus ailleurs. Mais en France, il y en a quand même beaucoup, surtout que ça s'invente tous les jours. Hein. Plus on en fait, et plus on en invente. D'accord. Bobonne de sperme. En France, c'est bien connu, on est champion de l'amour. Et c'est les Français, en fait, qui en connaissent le plus. Je pense pas, parce que je crois que j'avais lu un sondage qu'on est quand même classé assez loin. Non, on est champion de l'amour. Voilà, on est combien, Gérard? On est combien dans le classement? On est pratiquement dernier. Ah ouais, sur combien? Presque dans les derniers. Sur combien? Non. Sur deux? Non, je sais plus. Mais t'as confondu avec la FIFA, je crois. Attends, Goldorak. Ah non. Tony, tu vas fermer ta gueule. Non plus. Non plus. C'est Godaclou. Ouais. Eh ben lui, bah, il va commencer à se calmer parce que... Et mon vrai prénom, c'est Marc. Ouais. Marc dit David Alpa. Ok, si tu veux. Voilà, alors... Oh là, comme si on allait le passer à l'antenne. Ouais. Mais arrête. Ouais, bah faites votre boulot. Vas-y, continue. Eh ben, continue le débat, Gérard. Ouais, ben... Putain, c'est mou, là, t'es mou de la bite, hein. Oh, ta gueule, toi, va te enculer, toi, gros con. Il y a du Viagra dans le bureau. Bon, Gérard, gobe un coup. Gérard, sur l'IRC, il y a Jordan, il te demande si tu t'es fait virer de la banque du sperme parce que t'avais tout bu. Non. Tiens, en parlant de lui, là, il y a ton petit copain, là, Lucas, qui te souhaite le bonjour, l'abruti de fil d'art. Là, j'étais en train de me poser une question. Un mou de la bite et une molle de l'anus, qu'est-ce que ça peut faire? Moi, je t'emmerde. Des chamallows. Voilà. Alors, peut-il se faire... ouais, on va mettre un disque, parce que sinon, à 2h30, on a fini. Tu glanderais, hein, Gérard. Je t'emmerde, toi, d'accord? Et toi, t'as répondu à aucune question, Gérard, que dalle, entre parenthèses. T'aurais pu répondre aux questions que tu poses. Tony, les potes de fun, je répondrai après. Tony, les potes de fun avec Blanchis-moi l'arrêt dans le 106. Et on se retrouve juste après pour la suite. Et voilà, vous venez d'écouter Tony et les potes de fun avec Blanchi Larrey dans le 106. Et donc, on est toujours sur Fun Radio sur la suite et fin des débats sur les positions. Et donc, je vais donner un petit sondage. Alors, les positions sexuelles doivent-elles être payantes? Eh ben ça, je vais pas en parler tout de suite parce que c'est la question. Ah, ça va être la question. C'est la merde. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on va recueillir les auditeurs. On va recueillir. C'est maintenant. Ouais, c'est maintenant, on peut s'y mettre. Vous êtes à l'antenne, les grands. Alors, bonbonne de sperme. Oui, Gérard. Donc, rebonsoir. Rebonsoir, Gérard. Gros polo. gros palo, s'il te plaît. Gros palo, pardon. Ouais, c'est moi. Godaclou. Oh, salut. Ouais. Et Starlet 971. Non. Non. Bon, bah d'accord, merci pour ce qu'elle a fait. Je voulais juste te dire que c'est dommage que je vous ai pas eu avant, parce que sur le débat précédent, parce que je connais un professeur qui s'appelle le professeur Moncu, qui opère les kystes et qui répare les lésions anales. Et je pense que ça aurait pu t'intéresser. Bon, alors, gros palo, c'est la dernière fois que tu dis non, des... Non, excuse-moi, c'est... Non, pas gros palo, mais Godaclou. C'est la dernière fois que tu dis une connerie comme ça, parce que sinon, tu vires. Désolé, ça m'a échappé. Ok. Alors, question, faut-il se faire payer en euros pour effectuer les positions? Bah tiens, Godaclou. Se faire payer en euros? C'est la question, s'il faut se faire payer en euros pour les positions, c'est ça, hein? Ouais, ça implique une prostitution du corps. Complètement. Donc c'est assez immoral, je trouve ça assez insalubre. Mm-hmm. Deux fois en deux jours. C'est bien. Ouais. Derrière, là, vous vous calmez, merci. Et donc non, je ne cautionne pas ce genre de... Pratique. Ce genre de pratique, j'ai failli faire une putain de phrase. Godaclou. Ouais. Où tu réponds correctement à la question... Ouais, mais j'ai répondu. Où tu vires? Je dis que ça inclut une certaine notion de prostitution, et je trouve cette notion assez insalubre, et je trouve que ces pratiques ne sont pas recommandables. Ouais, fous-toi bien de ma gueule quand tu précises bien la fin des mots, d'accord? C'est pas le genre. Ouais, non, tu me prendrais pas pour un con, tu m'y laisserais. D'accord? Ok. Ouais, t'as tout compris. Ouais, on accueille String à fleurs, bonsoir. String avec fleurs, bonsoir. Ouais, bonsoir GG, bonsoir l'équipe, salut. Salut String avec fleurs. Salut, bonsoir à tous. Donc alors, bonsoir. Gros palo. Ouais, bah alors salut. Écoute, moi jamais je me ferai payer parce que je fais tout gratuitement. Mmh. C'est un plaisir de le faire, même si c'est des euros, même si les euros c'est bien. Non, non, je même me ferai pas payer. Tu peux me la String avec fleurs. Godaclou. Non, c'est pas moi là. Non, c'est qui? C'est le mec qui vient d'arriver. Ah, pas du tout. Godaclou, c'est toi que je viens de reconnaître, hein, d'accord? Alors, t'arrêtes un petit peu parce que tout à l'heure, tu vas gerber. String à fleurs, tu peux me donner ta fréquence? Ouais, c'est 98.7. 98.7, ok. Question IRC, Rigo? Oui, il y a Ice-T qui dit qu'en fait, sa position préférée, c'était la vachette surénoise. Et puis, depuis qu'elle l'a quittée, ben, il peut plus. Bon, alors lui, j'y répondrai même pas à sa question. Gros palo. Oui, non, mais je viens de te répondre, Gégé. Ah bon, ben, bobonne de sperme. Ben, moi, t'as pas besoin de me payer, c'est tout gratos, c'est tout à l'œil. Ouais, String avec fleurs. Ouais, ben, écoute, si tu peux aller travailler plaisir, pourquoi pas. Mmh. Tu peux te faire plaisir et qu'en plus, tu peux ramener de l'argent à la maison, tant qu'à faire, hein. Mmh. Ah, je vois qu'il y a des filles tout de suite qui répondent à l'appel. Mmh. Ça me fait plaisir. Bon, donc... Même les mecs, hein, les barbus, là. Moi, tout à fait. Le barbu, là, du village people, là, tout en cuir. Godaclou, tu t'écrases, s'il te plaît, merci. Pardon. Alors, les positions sexuelles doivent-elles être payantes? Alors, il y a 26% pensent qu'il faudrait payer 50 francs la position. 23% pensent que non, car la sodomie, c'est gratuit. Non, mais c'était 100 balles tout à l'heure. Toi, tu t'écrases, s'il te plaît, merci. Avant le débat, t'as dit que c'était 100 francs. Avec le breakfast. Ah oui, et les 12 escargots. Ouais, et pas de pommade. Godaclou. Ah, c'est pas moi, alors. Non, je l'avais au standard, ouais. C'est pas possible. Par contre, tu sais, j'ai trouvé ça inadmissible, ils ont parlé du super bonus avec Sandy, j'aimerais savoir si elle fait moule. Alors, Godaclou, au revoir. Si elle fait moule, qui vaut. Allez, hop, terminé pour lui. Alors, 10% pensent que la masturbation devrait être bien plus chère, et ben... Pourquoi? Je sais pas. Mais je vois pas du tout le rapport. Gérard. Peut-être parce que c'est à cause de l'euro, là, qui arrive. L'euro est arrivé depuis le début de l'année, d'accord? Gérard. Ouais. Sur IRC, il y a Yankee qui te demande si c'est vrai que t'étais livreur de Godemiché, que tu t'es fait virer après les avoir essayés un par un et qui sont devenus inutilisables à cause des infections. Non, pas du tout. Alors, lui, sa question, elle a ni queue ni tête, comme lui. Voilà. Dis, peut-on changer de partenaire si... Attends, c'est à quelle question, là? La 7. Ah bon? Je crois que c'était la 10. Peur. Non, bah, de toute manière, il reste plus que trois questions, donc ça va aller vite. Hein. Non, mais c'est pas du travail bâclé qu'on fait là. Ouais, c'est pas un concours. Ouais, mais... C'est pas on a plus sinon, on fait rien du tout et hop, bah sinon tu rentres. Tu rentres à minuit, puis attends, c'est bon. Toi, tu ferais déjà ton boulot correctement, après on verra. J'arrête hein. Pas. C'est vrai que pour l'instant, tu prends pas beaucoup de temps. Gérard, pour reparler du débat, il y a Davy One, il dit que ça aurait été mieux les positions avec les culs qu'avec l'euro. Pourquoi? Ben, les culs et l'euro, ben, c'est pareil. culs. Ah ouais. Les culs. Ouais, bah les culs, ouais, les culs. Ouais. Donc, peut-on changer de partenaire si une position ne vous convient pas? Ouais, je voulais juste demander à Bertrand. Toi, tu fermes ta gueule, string à pleurs. Ah, c'est pas moi. Attends, t'entends la voix, moi j'ai une voix d'homme, arrête. Ouais, j'ai une question, voilà. Le gros beauf qui parle, là. Tu vois, je peux pas Le gros beauf qui parle, il t'emmerde. Ouais, Bernard, j'ai une question pour toi. Gérard, donc c'est pas moi. Vous me gérez là, un peu, là. Ouais, j'aurais une question à poser à Richard. Vas-y, on t'écoute. Toi, tu t'écrases. J'ai une question pour le gros beauf qui parle. Moi, je t'emmerde. Donc, tu poseras pas ta question. C'est chaud, putain. Oh, t'as picolé, toi, encore ce soir. Oh là là là là. Peut-on changer de partenaire si une position ne vous convient pas? Bien sûr. Qui? C'est String à fleurs. Ouais. Je veux dire l'intérêt. Attends, 5 minutes. Ouais, je voulais juste dire qu'on accueillait Petit Cuny. Ouais, bonsoir Gérard. Salut Petit Cuny. Salut tout le monde. Ça, je te bouffe, toi. Ok, pas de problème. Vous fermez vos gueules. Ta fréquence 99.1. C'est ça. Prends-moi pour un con, toi, aussi. Bah non. Non, tu m'y laisses. Un peu. Ouais, tiens, bah, tu vas répondre à la question. Oh merde, putain, j'ai ton standard, Gérard. Non, non, t'as fous pas de ma gueule. J'en peux plus, là, les gars. Changer de partenaire. C'est pas bon, là, c'est pas bon. Est-ce que tu changes de partenaire à chaque position si t'arrives pas? Ça te plaît pas. Est-ce que tu changes de partenaire à chaque position? Voilà, ouais. Si t'arrives pas à faire une position, est-ce que tu changes? Regarde, imagine, t'es dans une partouze, t'as payé 1000 balles à l'entrée de la boîte. Voilà. Et il y a une nana, elle veut pas faire une levrette. Ben boum, tu prends le cul qui est à côté et hop. Exact. Ouais, bah voilà, il a répondu pour moi, Gérard. Voilà. Non, bah. Non, on attend ta réponse. On attend ta réponse. On attend ta réponse. Okay. Bah ouais, Gérard, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire mon pote. Parce que j'ai rien compris à la question, en fait. Bon, bah, si tu comprends rien, mon pote, ouais, il est mauvais. Ouais. Je crois que tu vas retourner au standard, toi. Putain. Eh ouais, ben, il n'y a pas de putain, bah, tu vas y aller tout de suite. Gérard, on s'occupe pas trop du standard. Manu, tu lui dis au revoir à lui. Okay. Okay. Sinon, il y a Bretzel sur l'IRC, il aimerait bien que tu lui expliques comment, avec un sexe de 4 cm, on peut pénétrer un derrière dont l'entrée est à 40 cm sous une couche de graisse. Qu'est-ce que c'est que ce... Il me dit que tu sais exactement de quoi il parle. Fais-lui un dessin. T'as une petite zazette comme ça. Voilà. Ouais, bah toi, tu peux parler, toi. Ouais, c'est ça. Et tu dois mettre ça, par exemple, sous Manu. Pourquoi pas sous toi? Par exemple. String à pleurs. Enfin, Bretzel, si tu comprends pas, il me dit que c'est comme à la maison. Ouais, bah ok. String à pleurs. Ouais, bah écoute, je te disais tout à l'heure, quand tu vas dans une boîte spécialisée pour ça et que tu payes 1000 balles l'entrée, l'avantage, c'est que bah, tu peux changer, quoi, ça tourne. Donc, s'il y a une fille qui te plaît pas, bah tu changes, hop. Ouais. Bobonne de sperme. Bah avant de changer de mec, je commence par changer de position. Et puis si vraiment il n'y arrive pas, ouais, je change de mec, ouais. Je prends le suivant, en fait. Il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Gros palo. Ouais, alors moi, je voudrais te poser en rapport à cette question, je voudrais te demander, est-ce que Sandy, est-ce que ta grosse, elle est d'accord pour un... Alors, gros palo, ma grosse, ça t'emmerde, au revoir pour toi. Au revoir, gros palo. Au revoir, grosse salope. T'es vulgose. Ah bah, je peux pas le savoir, elle a pas insulté Sandy comme ça. Alors, terminé pour elle. Ouais, comment tu peux savoir que c'est... Voilà. Ah bah, c'est bien, il nous reste plus que qui, alors? Gérard, il y a Défonce-moi sur le Minitel, on est quand même 2243 connectés. Nous, on remonte un peu, hein, on est 924. Et moi, excusez-moi, j'ai une question au standard, on me demande si Olivier de la Pro, il est parti ou pas. Ouais. Oui. Ouais, ok, merci. Et donc, Gérard, on me demande, donc Défonce-moi sur Minitel, demande quelles sont tes positions préférées, à part la levrette, surtout quand tu n'es pas chez toi. Tu vois, quand tu es à un endroit extérieur, que tu fais pas l'amour chez toi. Où est-ce que tu le fais premièrement et qu'est-ce que tu préfères comme position? De toute manière, j'y répondrai pas parce que ça le regarde pas. La bonne ordure. Mais attends, mais c'est quoi alors? Ça sert à quoi que tu fasses des débats? Si toi tu réponds jamais aux questions? Ben, je fais ce que je veux, c'est tout. Ça, ma vie privée. Mais c'est pas une vie privée. Moi, je peux te dire, moi, j'ai déjà fait l'amour dans une voiture et c'était très bien et je l'ai fait sur le siège avant et voilà, c'est pas ma vie privée, c'est une expérience. Donc, qu'est-ce que t'en penses, Gérard? Non, mais moi, j'en ai rien à foutre. De mes potes. Ouais. Porte ouverte. Bon, alors... Une fois, je l'ai fait chez toi, c'était super. Ça rappelle des trucs, ça. Alors... Gérard, sinon, sur IRC, il y a Arnett, il dit qu'il pue la merde ce soir. Oh là là. Qui? Arnett. Qui me dit... Qui dit quoi? Il dit qu'il pue la merde. Ah bon? Et là, il te traite d'enculé, alors... C'est toi que je traite d'enculé, Rigo. C'est mortel. Si vous êtes à l'antenne, je vous signale. Oh, le piratage. C'est magique. Gérard. Ça va, alors? Donc, huitième question. Non, je vais peut-être donner un petit sondage avant. Ouais, puis tu vas peut-être répondre, toi, à la septième, quand même. Est-ce que les positions sexuelles devraient être aspirées, apprises à l'école? Alors ça, c'est bien, parce que la question, elle a déjà été posée. Donc, je vois pas pourquoi... C'est pas grave, ça, c'est les réponses des gens, c'est un sondage. Alors, il y a 15% pensent que, oui, il faut informer les jeunes, ça, c'est vrai. J'ai vu un reportage ce soir, donc c'est... Dans quelle strict. Émission Ça, c'est pas... Ah, c'est ta vie privée, c'est vrai. C'est ta vie privée, hélas. Là, c'est ta vie privée, hélas, je comprends. C'est pas dans... Non, non, mais c'est ta vie privée, c'est ta vie privée. C'est même pas un reportage, c'est aux informations que j'ai vu ça sur... Ah, bah, c'est vraiment privé, c'est vraiment ta vie privée, alors. Donc, 61% pensent que si c'est le cas, les enfants seront pervers comme un ascendant. Voilà, je vois pas du tout le rapport. 36% disent que, Michel. Pour moi, comme ça, ils ne feraient plus de bêtises. Michel. Ouais, je pense. Michel, je t'explique. S'ils apprennent les relations à l'école. Je m'appelle pas Michel, d'accord. J'ai un nom. Moi, je t'appelle pas. Tu t'appelles Robert. Arrête de faire le coup. Si ils apprennent à l'école les positions sexuelles, c'est clair que plus tard, quand ils seront grands, ils deviendront pervers. Mais attends, de toute manière. Dès leur plus jeune âge, ils commencent à faire des levrettes et tout. Non, mais attends, déjà, à l'école, maintenant, ça va être bientôt. Est-ce qu'il y a des cours d'éducation sexuelle à l'école? Est-ce que t'as déjà vu ça, toi? Oui, c'est en pourparler avec le ministre. Avec le ministère de l'Éducation, c'est prévu que normalement, ça devrait se faire d'ici peu de temps. Qui, Claude Allégé? Avec Claude Allègre. Allègre. Pour ça, on va continuer. Donc, pour la septième question, peut-on changer de partenaire si une position ne vous convient pas? Ben non, ben vous faites ce que vous voulez. Si ça vous convient pas, ben vous faites rien du tout. Voilà. Gérard. Ouais. Sur IRC, il y a Jordan. Il te dit, tant que tu parles des positions, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te branler à la pince à épiler? Non, pas du tout. Je veux dire Bernard. Non, pas du tout. À quel moment de la journée peut-on faire des positions? On va demander à String à fleurs. Parce qu'il nous reste plus grand monde, alors je voudrais bien que vous vous réveillez un peu au standard. C'est bon, c'est en route. Parce qu'il nous reste que deux personnes, moi je continue pas avec deux. Si tu les vires tous, c'est normal. Ah, ouais, mais personne, il y a trois personnes. C'est qui la troisième? Petit Uni et Bonbon à sperme. Qui? Je disais String à fleurs, ouais. Petit Uni et Bonbon à sperme. Ouais. Non, Petit Uni, je crois qu'on l'avait viré. Non, non, non. Olivier. Il y a de quoi faire. Olivier, il y a quelqu'un qui te demandait au standard. Alors, tes trucs personnels, j'en vois pas quand je te mets des... Il y avait Marc au standard pour toi. Salut mon chou, c'est Marco. Oliver. Qu'est-ce que t'as mon chou? Tu vas bien? Ça va. Tu te souviens de moi? Si je me souviens de toi, non, je me souviens pas de toi. Non. Comment tu vas? Oh putain. Tu te souviens pas de la grande godiche, là, l'autre soir? Nickel. T'as déjà dit, moi c'est Gérard. Ah, fais pas le timide, allez. Moi c'est Gérard. Allez, arrête. Comment tu vas alors? Bon, petit cul. Toi, laisse-moi parler à mon homme. Bon, ta gueule, toi, espèce de pédale. Et Gérard, sur le on est en train de parler, Gérard. Tu peux nous laisser parler ensemble? Tu permets, c'est mes débats. Pédales, Gérard. On est en train de parler. Bon, et toi, tu fermes ta gueule un peu, tu fais ton boulot maintenant. Ouais, c'est tu ça. Tu ouais. Respecter, je veux dire, toi aussi, t'en éclates des trous du cul, hein. C'est bon, hein. Qu'est-ce que ça peut te foutre, espèce de con? Eh ben, moi, je fais pareil. Bon Gérard, sinon sur IRC, il y a Bretzel qui te demande est-ce qu'avec ta femme, t'as déjà fait un 69 et comment t'as survécu si tu l'as fait? Mais bien sûr, avec un masque à gaz, il a bouffé le croupillon. Ça y est, il a fini ses conneries, celui-là. Ouais. J'ai mis en pause. Tu m'as pas répondu, Gérard, si t'as déjà fait un 69 et si oui, comment est-ce que t'as fait pour survivre? Ah ben ça, oui, on l'a déjà fait avec Sandy, mais c'est pas pour ça que je suis mort et c'est tout. Non, mais toujours vivant. Mais Gérard, justement, j'aimerais bien que t'expliques aux auditeurs comment on fait un 69, parce que moi, ça me... Bah, tu sais pas, Non, mais c'est pas que je sais pas, mais je sais peut-être pas bien le faire. Tu demandes à Pauline, elle doit savoir comment elle sait. Mais non, je sais pas, justement. Non, tu sais pas, non, mais moi, je te dis, t'as qu'à répondre. Bah, je peux pas te répondre, non, je sais pas. Non, mais c'est pas le problème de savoir ou pas comment ça se fait. On sait que c'est le mec qui est à l'envers par rapport à la nana, mais comment on le fait vraiment bien? C'est toi qui le sais. Tu viens de répondre à la question. Mais ta gueule! Non, mais comment on le fait bien, c'est-à-dire parfaitement, tu vois, pour que tous les deux aient du plaisir? Il y a quelqu'un, non, en plus? Il y aura quelqu'un quand t'auras répondu à la question. Non, bah, tu me donnes la personne maintenant. Il n'y a pas moyen. Tu donnes les gens, toi, tu donnes les gens ou tu allez, bires? Donne. Donne-lui le seigneur. Alors Gérard, tu réponds. Réponds à la question. Allez. Non, mais de toute manière... Allez Bernard. Vous me passez les gens au standard ou sinon j'arrête? On est là, t'inquiète. Bernard. Alors, non, mais vous me passez les personnes. Ouais, crache-toi un peu. Ouais, ça va, hein. T'es pas content que tu dégages? Non, mais je rêve. Non, mais attends, tu te crois où, toi? Coup de péton. Comment tu me parles? Alors, je te parle comme je veux, d'accord? C'est pas tes débats, c'est les miens. Tu respectes les femelles, ouais, quand même. Gérard. Ouais, bah, les femelles, je les emmerde. Oh non. C'est toi qui as dit qu'il fallait respecter les femmes, et Apolline, c'est une femme. Ouais, ben, surtout qu'elle fait du boulot de merde. Mais alors, c'est pas grave. Hein, bah, pour l'instant, elle est même pas capable de prendre les lignes qui sonnent. Alors, qu'elle arrête de dire qu'elle fait du boulot. Bon, allez, on y va. À la place de Petit Cuny, on accueille Fouet qui pue, et on accueille aussi Pine de Chacal par la même occasion. Allô, bonsoir. Ouais, salut, salut les puceaux. Salut à toi. Salut, Pine de Chacal. Ça va bien? Et l'autre, c'est qui? Oui, qui pue, c'est moi-même. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut, Rémi. Donc, Gérard. Salut à tous. Bon, alors, on continue. À quel moment... Non, tu réponds à la question maintenant, t'as les auditeurs. Ben, ça y est, j'ai répondu, donc tu vas pas me casser les couilles longtemps, toi, d'accord? On veut savoir. Oh, toi, tu fermes ta gueule. Non, ils ont raison, hein. Espèce de pucelle. Oh là! Attends, moi, je te confirme qu'Apolline n'est pas pucelle, je sais de quoi je parle. Voilà. Tu vas me faire jouir avec ma langue. Voilà, on va tout balancer maintenant, hein. Dis-leur, Apo, dis-leur. Bah ouais, non, mais on peut pas, quoi. Tu pourras bon, te manière, elle, c'est une bloquée du cul. Allez, elle est même pas capable. Qu'est-ce que t'en fais, genre ? Ouais, arrête tes conneries, d'accord ? Allez, sont bons, les capos. Bon, à quel moment de la journée peut-on faire des positions ? Oh ! Gueule pas, GG. Dans quel moment on peut quoi ? À quel moment de la journée peut-on faire des positions ? Ça dépend. Alors, qui pue ? À quel moment de la journée ? Eh bien, écoutez, il n'y a pas d'heure pour... Pour en manger, du bâton de berger. C'est clair. Exactement. Oh là là là là, je sens que le débat il va vite se terminer. Non, mais non, mais non. Mais il n'y a pas d'heure exacte, quoi. Je veux dire, tu peux très bien faire ça le matin au réveil. Ouais. Quand t'as encore une haleine de chacal. Bah ouais. Eh oui. C'est le meilleur. C'est vrai. Toi derrière, t'arrêtes de jacter quand les gens y parlent, ça me prend des vacances. Ok, connasse, pas de problème. Le connasse, ça t'emmerde, espèce de PD. Donc, je disais, donc le matin, tu peux très bien le faire l'après-midi parce qu'une fois que t'as bu ton café, c'est bien en forme, et puis le soir, bah, tu te lâches, quoi. Tu fais des folies de ton corps, et puis le lendemain matin, hop, tu remets ça, quoi. Mmh. Tu peux faire ça tout le temps. Tout le temps. Si t'es inépuisable et insatiable, c'est parfait. Ok. Bonne de sperme. Ben moi, je suis inépuisable et insatiable, alors c'est à n'importe quel moment. J'adore le matin, quand tu te réveilles et que tu sais que le mec se met derrière toi et que et qu'il te serre très fort contre lui et qu'il te pénètre violemment. Oui. J'adore après le petit-déj quand il te prend et qu'il te pénètre violemment sur la table de la cuisine au milieu des bols. Oh oui, bon. J'adore quand on fait la cuisine pour midi, quand il te prend et qu'il te pénètre violemment dans l'évier. Enfin, tu vois, quoi, c'est à n'importe quel moment, quand tu fais la lessive, quand tu prends ton bain, quand tu changes la caisse du chat. Exact. Oh oui, c'est avec beau. Le chat, en plus. Non, c'est une chat. Ah bah, ouais. En plus. Non, en 5 plus. Minutes, s'il vous plaît, là, derrière. Merci. Hein? Ouais, 5 minutes, j'ai dit. Ouais, Gérard, il y a... Attends, je te prends... Attends, merde. Ouais, bon, il y a Shunkman. Il y a Shunkman sur le Minitel qui demande que... Skunkman. Putain, je suis chaud, excuse-moi. Là, j'avais pas vu que c'était un cas. Je crois que c'était un H, c'est bon. Ouais, bon, d'accord. Non, mais attends. Je vais te dire une chose, que si t'arrives pas à lire les messages Minitel, tu demandes à Seb qu'il te prête ses lunettes. Oui, il a les oreilles devant les yeux, c'est normal. Plus fort parce que je t'entends pas du tout, là. Non, mais c'est parce qu'il y avait une graine, c'est pour ça. Il a les oreilles devant les yeux. Donc, c'est Skunkman qui demande si on peut avoir des positions sexuelles quand on a ses ragnagnas. Alors là, quand la nana c'est ragnagna, normalement, c'est pas évident parce que c'est hyper dégueulasse. Et toi, Gérard, c'est ragnagna ? Non, moi, j'ai pas de ragnagna. Alors, Gérard, moi, je te conseille la position du vendangeur quand la nana elle a ses ragnagna. Un délice. Alors, tu peux préciser, c'est quoi cette position ? Bah, tu vois, tu te mets comme ça. Alors après, la nana, elle se met là. Toi, t'arrives, voilà, t'arrives comme ça, vas-y, aide-moi, t'arrives comme vas-y, ça. Ensuite, la nana, elle lève la jambe comme ça. Ouais. Toi, t'arrives, tu fais paf. Ah, en plus, les ragnagnas, ils coulent à flot. Et voilà, ils font la fête de la vendange. Bon, celui-là, tu me le casses. Il coule à flot. Non, c'est pas il est marrant, le tétard. Et c'est qui ce tétard, là? C'est qui ce tétard? Jean-Pierre. Attends. C'est Rodrigo. Tu vas pas me dire que c'est Jean-Pierre avec le caca nerveux qu'il a fait à Max lundi. Bah si, c'est pas le thème du débat, Gérard. Et par rapport à ça, sur IRC, il y a Kleenex qui te demande, est-ce que tu t'es déjà fait sucer par ta femme et est-ce qu'elle avale tes morpions? Oh bah la question... Attends, elle va pas trier, elle a pas le choix. Hein. Elle embarque tout, il y a le cachard qui balance et il y a tout qui vient avec, hein, c'est bon. Qui c'est qui dit ça, là? Oh, c'est bizarre parce que j'aurais bien voulu savoir son nom. T'entends des voix, hein, Bernard. Ouais, je m'appelle pas Bernard, d'accord? Alors, donc, pour répondre à sa question, non. Non. Et à propos d'heure de la journée, il y a Arnett qui te demande à quel moment de la journée tu préfères te faire prendre par Roscoe Coltrane et sa grosse Peggy. Alors, la grosse Peggy... est en merde. Voilà. Ah, Pauline, c'est la dernière fois que tu t'amuses à allumer ton micro, parce que tout à l'heure, ça va éclater. Ah, j'ai le droit de parler encore. Et ouais, pour l'instant, moi, je te dis d'éteindre ton micro. Gérard, est-ce que t'étais au courant qu'il y a une certaine personne qui a sucé Dominique Santini, et c'est pour ça que Supercopter, il s'est scratché sous le pont de l'Alma? Je suis complètement starbé, ce mec. Je sais pas d'où qu'il te sort, mais... Enfin... Gérard, va me chercher un café, mangue-toi. Bon, tais-toi, toi. Donc, là, il y a la question... Gérard, c'est vrai que tu couches avec Big Bill? Oui. Bah ouais, je couche avec une extraterrestre. Et l'extraterrestre, malheureusement, on peut pas l'avoir à cause des petits cons qui s'amusent à l'emmerder au téléphone. C'est elle qui veut pas, là. Non, c'est elle qui veut pas, ça m'étonnerait. Au téléphone. C'est elle qui veut pas, m'a dit qu'elle voulait participer au débat. Alors, nuance. Est-ce qu'elle a les mêmes oreilles que le Big Bill? Non, elle a des oreilles de chou. Est-ce que quand tu la bourres, t'as du slime plein la quéquette? Ça c'est une question trop personnelle. Un peu dans le même esprit, il y a Bretzel qui te demande si quand tu culbutes ta femme, ses bourrelets font des vagues, si oui, est-ce rigolo, est-ce que tu rigoles avec elle et tu joues au bateau. Et est-ce que tu surfes dessus? Voilà. Surfer dessus, non, mais est-ce que je rigole, non. Est-ce que je prends mon pied, oui. Ah bon? T'es souple, hein? Voilà, donc... Tu prends ton pied aussi. Qui c'est? String à pleurs, t'as pas répondu. Oh. Fucking. Oui, je suis là. Kiss fucking. Et donc oui. Voilà, le fils fucking, moi je suis contre. Bon, tu réponds à la question. Toi t'es armé. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui ont déjà perdu des gourmettes, des montres et des choses comme ça. À l'intérieur. Et voilà, si c'est pour finir avec une boîte à machin, moi, j'ai perdu un cheval. Les objets trouvés, c'est pas la peine. Par contre, il faut éviter de se spermer dans le cou parce que ça laisse des cicatrices. Oh là. Des bons vieux steaks hachés friales. Mais ça, c'était de l'acide de batterie, ça, c'est pour ça. Non, mais qui c'est qui s'amuse à comme ça, là? C'est Rodrigo. Attends, il sort d'où, celui-là? Encore un Brésilien. C'est toujours des Brésiliens. Je sais pas si t'as remarqué Polo, Pedro, Rodrigo, Roberto et tout ça. Pablo. Total éclatch. C'est la merde. Bon, qui c'est qui... Bon, moi, je préfère quand t'as picolé, salut. Oh là là là là là là. Qui c'est, cet abruti? On parle pas de la vie. Il a raccroché. Mais tant mieux. Tiens, j'ai un rapeau. C'était qui? Je sais pas. Bon, alors... Un autre sexe, l'impuissant. Bon, alors, qu'est-ce qu'il reste comme question? Ben, il reste plus que deux. Ben, on va mettre un disque, tu vas la poser, ils vont réfléchir. Ouais, je pense, mais avant, pas je vais... Pas mal comme idée, ça, non? Non, mais attends, je vais faire le dernier sondage qui nous reste. Ouais, on va te sonder un peu. Non, vas-y, balance le disque. Bon, je fais ce que je veux, d'accord, c'est pas toi qui commande, parce que tout à l'heure, tu vas... Bon, allez, vas-y, balance, Jean. Répétez, je vais parler à Pauline. Alors, quel est, d'après vous, l'avenir des positions sexuelles? Alors, 34% pensent que l'avenir, c'est l'Internet. C'est La giclette. 15% pensent qu'elles n'ont pas d'avenir. Et 24% pensent que c'est comme les kilos de ma femme, un de perdu, 10 de retrouvé. Ben, ça, c'est vrai. Donc, l'avant-dernière question, y a-t-il des jeux de société? Pour les positions, on va écouter Véronica Nus avec du ketchup dans la serviette et on se retrouve tout de suite après pour la fin du débat sur les positions. Véronica Nus. Et voilà, c'était Véronica Nus avec du ketchup dans la serviette. Et donc, pour finir le débat, donc la question c'était, y a-t-il des jeux de société pour les positions? Donc, pour ça, on accueille String Appler. Pardon, c'est moi. Excusez-moi, c'est moi. Oui, donc, bonsoir. Donc, alors, tu peux répondre? Ben écoute, moi je connais le kékette trivial. Donc c'est un jeu qui se joue en groupe, tu réunis une bonne dizaine d'amis légèrement vêtus, on va dire, et tu poses des questions et t'as des gages. Alors tu gagnes des points sodo et tout, et au fur et à mesure t'es obligé de te déshabiller, t'as des gages à faire. On va pas rentrer dans les détails parce que sinon ça va être hardcore. T'as des gages, ouais. Il y a des pets de fouf, il y a de tout. Ah d'accord. Bah oui, parce que forcément, t'en arrives à un moment où les gages, bon bah voilà, faut passer à l'action quoi. Obligé, faut que ça se pressurise. Déconnez pas, c'est notre pilote pour la télé, hein. Oh putain, arrête. Ok. Tony. C'est pas lui. Ouais. Vous l'avez traumatisé. Donc moi je voudrais répondre à la question, c'est possible? Non, ouais Tony, vas-y. Ta voix aiguë. Non, vas-y Tony maintenant. Ça y est, on t'a reconnu. Ah c'est cool. Moi je joue au... Ah c'est pas Tony ça. Mais non, c'est pas Tony. Non. Rien à voir. Non. Je joue, tu sais, au truc là, le jeu c'était Secret Girls. Si, c'est vrai, il faisait salut, c'est Marco, c'est le téléphone secret, et tu passais comme ça à ta copine, et puis elle te racontait ses nuits de sexe, quoi. C'est vrai. Bonhomme de sperme. Ok. laquelle. Bonbonne. Tu n'y arriveras pas. Bonbonne de sperme, pardon. Moi, je joue au strip poker. Et je suis une super pro, alors tout le monde finit à poil et moi je suis encore habillée. Mais t'as raison, je vais te défroquer, moi. Pas de problème, quand moi, tu veux. Je vais te défroquer direct. Pin de chacal, t'as pas... problème. Attends, je vais te mettre une triple... Pin de chacal. Pin de chacal, t'appelles d'où, s'il te plaît? De Amiens. Ta fréquence. Je kiffe le Nord, c'est 95.2. Le Nord. Je kiffe le Nord, direct. Ouais, merci, Tony. Mini Vessi, là. Ouais, bonsoir, c'est moi. Ta fréquence? 94.5. Ok. Donc, Pin de Chacal, surnommé Tony? Non. Non, presque pas. Non, tu crois pas que j'ai pas reconnu ta voix? Ouais, ben. Je crois que Rigo, il t'a dit de t'occuper du standard. Ouais, mais je m'en fous de Rigo. C'est toi le chef. Ouais, ben, tu peux. Bon, vas-y, dis ta question, Gérard, tu nous saoules là. Je te saoule, attends, toi, tu fermes ta gueule, d'accord? Oh, tu te crois où là? Tu me parles comment là? Comme tu me parles. Alors moi je te dis une chose, tu sors des studios, je te veux plus. Allez hop, tu dégages. Mission Apolline. Allez hop. Viens boire Apolline, j'habite Paris 20. On va te protéger bébé. Allez hop. Viens boire, j'habite Paris 20. Non mais attends, ouais. Tu lui parles tu l'as cherché où celle-là là pour qu'elle parle comme ça? Rigol lui demande quelque chose à mon boisier. Attends, mais elle se croit où là? Bon allez, vas-y, continue. Bon, tu fermes ta gueule, d'accord, c'est pas tes débats. Je sais, genre. Tu as des lignes qui sonnent, alors tu prends les gens. Non, c'est fini, là. Ouais, tu prends les gens au standard pour demain, d'accord? Tu te crois où, là, pour me parler comme ça? Pour les Diddy Fun. Vas-y, Gérard. Ouais, bah attends, tu t'écrases, d'accord? Pour les auditeurs, pour les Diddy Fun, donne-moi. Ouais, oh. Fun tonique, merde. Prends des tu mecs crois où, là? Réveillez-les, déjà. Qu'ils aient la tonique. Pin de chacal. C'est quoi la question? Parce que j'étais... Oh là là, non, non, Tony, tu fermes ta gueule. Les jeux, là. Les jeux, ouais, bah ouais, ça y est, je t'ai dit, c'est Secret Girls. Salut, c'est répondu, Marco, ouais. C'est le téléphone secret. Oui, je suis là, ouais. Voilà. C'est tout. Retrouve-moi au gymnase ou à la cafette. Mini Bessie, ouais, pour terminer. Moi, je joue, Kiketos Master, mais en fait... Bah, je ferai plus là. Je mets sur Mind. C'est bordé de toutes les couleurs. Voilà, et pour trouver le bon gland. Bon. Alors, voilà, dernière question. T'as déjà joué au Dr Babbitt? Non. Genre, avant, il y a... Bon, Il y a Yankee qui a une petite question à te poser. Si tu touches ma bite, il y a mon kiff qui... C'est rien, c'est un briquet qui a volé. Mais mon pote! Alors, tu me gardes, Tony! Ça va, Manu? T'es encore vivant? Putain, tu lui as fait mal, Gérard! J'en ai rien à foutre, toi! Fais gaffe, parce que tu risques d'en prendre autant, toi! Je pensais que tu frappais pas les filles, ma mère! Ouais, bah, toi, tu vas faire ton boulot correctement! Oh, Gérard, pour calmer le débat, il y a le coyote, il dit que tu es à la nuit ce que Amanda Lear est au travelo. Ben, si on veut, c'est bien. Donc, dernière question et on fera la conclusion, et comme ça. Question, mais arrête-toi, on continue. T'es sans alcool, on peut en boire jusqu'au bout de la nuit, c'est bon, vas-y. Non, mais on continuera sur les questions de médecin de nuit. Il n'y a pas de problème. On finira jusqu'à 3h avec les médecins de nuit. On est polyvalent, on sait tout faire. Radio, la télé, on sait tout faire. Donc, dans quel endroit? Bon, Tony, tu fermes ta gueule pour de bon maintenant. C'est pas moi là. Hein. Non, c'est calme. Alors maintenant, vous le fermez, vous le virez, Tony. Ah non. Vous le virez, Tony. Bon, on le met en pause. Vous le virez. Ouais, virez. Oui. Laisse-le gérer sa carrière, bordel, merde. Sortez de la misère. Vas-y, Gérard. Dans quel endroit préférez-vous faire des positions bizarres? Ça, c'est une question à la file d'art. Oula. String à fleurs. Ouais, ah oui, justement, c'est toi que j'allais demander. Ça tombe bien parce que moi, j'ai plein d'idées tordues. Alors déjà, j'ai toujours kiffé, j'aurais toujours voulu faire l'amour dans une morgue. Parce que moi, je suis très genre cimetière et compagnie. Oh, t'es bien. Attends, string à fleurs, là. C'est les pattes. Ça. Attends, non, mais voilà. Sinon, dans le mine de Rungis, dans le 9-4, je sais pas si tu connais, il y a des abattoirs. Ouais. Donc, un petit coup dans les abattoirs sur une grosse carcasse de viande ou à la marée où ça sent bien le poisson. Tu vois, moi, j'ai des tripes un petit peu dans ce style-là, quoi. Ah. Donc, si un jour tu veux essayer des trucs nouveaux, tu me dis, il n'y a pas de problème. Moi, je te dégote 2-3 coins sympas. Je préfère faire ça chez moi. Ouais, c'est mieux. Ouais, bonne de sperme. Tiens. Ouais, moi j'adorerais faire ça dans une usine à macaroni. Pour macaroni, moi. Sur un banc public. Ou, tu sais, dans un endroit où en fait les gens peuvent te voir. Ouais, mais faut mieux pas. Justement, c'est vachement plus excitant. Tu te dis, merde, les gens peuvent me voir et toi, t'essayes de te cacher, tout ça, mais tu vois, dans les jardins où il y a des petits enfants qui jouent, dans les maisons de retraite. Ah non, je m'insurge. Bon, 5 minutes là. Ouais. Les enfants, merde. Non, stop là. Il y a une question Minitel de Pepsi Max, parce qu'il va m'en vouloir autrement. Il voulait te demander si t'avais enregistré le Big Bill du 23 décembre 98, parce qu'en fait, il l'a pas vu. Non, mais attends, lui. Ah, moi j'ai la pige, hein, j'ai la pige. Moi aussi. Moi je l'ai pas, c'est nul. J'ai la pige, j'ai une grosse qui a gagné 10 000 balles. Mini Bessie. Ouais, alors moi je trouve que dans un resto ça pourrait le faire. Tu te prends le petit dessert et puis voilà, hop, tu l'enfiles direct. Voilà, Gérard. Il me dit que c'est pas grave, mais si t'avais celui du 27, alors ça l'arrangerait en plus. Je l'ai aussi. Mais Gérard, pour un fan du Big Deal, t'es un paumé, sérieux, t'enregistres même pas. Ah non, moi. Franchement, tu crains, quoi. Il bouffe en live. Gérard, on va accueillir fromage de cul. Manu, je te préviens, tu t'es déjà pris un briquet dans ta gueule, si c'est encore le même. Non, c'est pas le même. Allô, bonsoir. Salut, fromage de cul. Salut, fromage de cul. Alors moi, les endroits que je préfère, je suis assez classique, hein, j'aime bien... Ta fréquence. Toi, t'aimes bien les bagnoles, toi. Ta fréquence. 95.7. Non, mais t'es jeune, toi. Ouais, je suis jeune. T'as pas dû ken beaucoup encore, pour l'instant. Laissez-moi parler, les mecs. T'as quel âge? Ok. Moi, j'ai 35 ans, mais j'ai un problème de voix. Non. Je suis aphone. À mon avis, il est pas majeur, lui. Non, ouais. Je crois pas. Manu, je crois que... Si jamais je vire, je parle de Bébé Rose et de la Tour Eiffel. Je vous le dis direct. Là, tu vas retourner tout de suite vers Manu au standard. Non, mais vas-y. Gérard, sinon, pour calmer sur IRC, il y a Judge qui te demande si une position rêvée pour toi, ce serait faire l'amour enfin avec une vraie femme. Bah pourquoi? Parce que Sandy, ce n'est pas une vraie. Non, c'est ta copine imaginaire, on le sait bien. Un chien. Avec son pied beau, son œil crevé. Alors, fromage de cul, s'il tu dégages. S'il vous plaît. Alors, fromage de cul, mais terminé. Non, mais c'est bon, continue. Terminé, fromage de cul. Continue. Au revoir. Attends, il a pas mué encore. Non, mais je veux pas le savoir, il a répondu à la question et c'est tout. Il est plus jeune, faut qu'on lui apprenne. Ouais. Non, mais même, des gens comme ça m'intéresse pas lors des débats. Sinon, au sujet de la dernière question, il y a Yankee qui te demande si t'es enfin prêt à arrêter la zoophilie alors. Ça c'est pas du tout. C'est pas prévu, Joe. Ouais. C'est pas prévu. C'est pas la question des débats. Pas gentil pour les sangliers. On va terminer. Il est quelle heure? Il est 2h50. On va Gérard, finir. Il y a Pepsi Max en fait qui dit c'est pas grave parce qu'en fait il avait la cassette du 27, mais il te remercie. Comment ça, c'est bien. S'il me remercie, moi je le remercie aussi. On va faire petite conclusion quand même sur ce débat-là. Donc, String Napleur. Ouais, écoute, débat intéressant comme d'habitude. Hein. Je crois que t'as bien fait d'aborder le débat vu que t'es un pro dans ce domaine-là. Mmh. Donc je pense que tu savais bien de quoi tu parlais parce que t'es un pro du sexe. Mmh. Apparemment, les positions sexuelles, ça te connaît. Regarde, t'es moustillé toutes les filles, tu vois. Mmh. Et sinon, écoute... Bonne de sperme, tu te tais, s'il te plaît, merci. C'est vrai, quand même. Elle déborde. Et puis, écoute, si tu veux, moi, je me propose, il n'y a pas de problème. Si tu peux me transmettre moi aussi, ton art... Je peux discuter avec vous, les mecs. Et moi Et m'apprendre un petit peu tout ton savoir, c'est-à-dire les positions inédites, comme, je sais pas, moi, la benne à ordure, tout ça. Eh ben, je suis preneur, quoi. Allez, inculque-lui ton savoir, petit caramel. Dans un futur proche. À la bite molle. Vas-y. Bonbonne de sperme, conclusion. Conclusion, c'était un débat très intéressant, avec de très bons participants, j'ai trouvé, qu'ils avaient beaucoup de choses intéressantes à dire. Sinon, moi, ma position préférée, ça reste la position de la chef qui broute. Je te laisse imaginer ce que c'est. Non, je sais pas du tout ce que c'est. Tu veux que je t'explique? Ouais. En gros, la position de la chef qui broute, la fille est couchée, les jambes écartées, le mec la broute. Ça s'appelle la position de la chef qui broute. Non, mais il y a une meilleure position. Je crois que c'est la position... je crois qu'on n'en a pas parlé. C'est dommage. Parce qu'il y a aussi la pose... c'est quand le mec il va sur la nana et qui met sa queue, sa verge entre les seins. C'est la position, je sais plus quoi. Là, c'est la branlette espagnole. Voilà. Et moi, j'adore faire les branlettes espagnoles et en même temps faire des petits bisous dans le nombril. Ouais, mais dans son cas, c'est l'étouffement de Kékette. Bon, mini Vessie. Ouais, ça m'a fait vraiment plaisir, Gérard, de faire un débat avec toi sur ce sujet. Faut savoir que quand même, t'es une grande bête de sexe. Et puis, j'aimerais bien que tu me donnes des cours et pourquoi pas que tu me prêtes ta grosse. Ma grosse, ça t'emmerde, alors donc tu finiras pas la suite. Voilà. Parce que là, on va garder donc string à pleurs, bonbon de sperme. Donc mini vessie, on te dit au revoir. Voilà, salut. Hein? Voilà, donc on va terminer, on va reprendre, comme il reste un peu de temps, donc... C'est cool. Il reste encore 5 minutes avant de faire la fin, donc moi la pause... Gérard, il aurait bien aimé écouter la grosse de Suresnes avec la branlette portugaise avec du poil sous les bras, on peut pas l'écouter avant de finir. Non, pourquoi? Parce que tu l'as le CD? On doit l'avoir, ouais. Ouais, mais c'est la version tampon Jack. Attends, je vais le trouver. Allez-y. Ouais. Donc, Manu, si tu pouvais me retrouver deux autres personnes pour continuer un peu là jusqu'à 3h. Bah regarde. Ouais, il y a plus personne. Faut relancer. Ouais, non, je relance plus rien. Non, on va finir avec ceux-là. Il y en reste bien deux alors. Maintenant, ils sont trois. On est là. Il y avait fromage de cul qui s'est calmé et bonbonne. Ouais, voilà, calmé. Ouais, on est tous là. Bon, alors donc, on va continuer sur... on va finir avec les... Les caves. Avec les médecins de nuit. Tu passes du coq à l'âne, toi, Gérard. Ah, intervention. C'est déjà là. Donc, alors, un médecin de nuit peut-il faire un accouchement en moins de 10 minutes? On va demander à String à pleurs et puis ça sera la fin. Ah, j'ai vu de l'intuition. Allez, naze ta question. Bah, toi, tu fermes ta gueule, d'accord? D'accord. Un accouchement en moins de 10 minutes. Micro. D'accord. Un accouchement en moins de 10 minutes. Ouais. Bah écoute, non, moi j'ai vu des mecs travailler quand même salement à la tronçonneuse et compagnie, quoi, mais 10 minutes, ça me paraît quand même être un temps record, quoi. Ouais, tu veux dire Massacre à la tronçonneuse, le ouais, film. Non, voilà, même si tu découpes pas, il faut quand même plus de 10 minutes, parce que ça résiste, les carcasses, quand même. 10 minutes, c'est pas très long, hein. Bah ouais, mais... Quand même. Ça dépend, il faut que le gosse, il soit vivant à la sortie ou pas, parce que sinon, moi, je te le fais sortir en 2 secondes, hein. Il faut que l'enfant soit vivant ou pas? Ben, en principe, oui, hein. Fromage de cul pour finir. Fromage de cul, bonbonne de sperme et string à pleurs, donc pour finir. Ah non, excuse-moi, Gérard, on vient de retrouver Dr. Carter de tout à l'heure. Non, là, il s'en va, lui. Ah, ça y est, c'est le Dr. Carter, là. Allô, Gérard? Il y a mon beeper, là, je suis sur intervention. Il y a une bande de jeunes qui auraient tabassé un clébard, apparemment. Je file sur le lieu. Allez, on est parti, hop là. Allô, cool. Gérard. Oh, fromage de cul, bobonne de sperme, string à pleurs, on termine avec vous et après la question, on laisse là. Hop là, je prends un sens interdit pour là. La question, attention. Les 10 minutes, c'est chaud. Hop. Et on termine là-dessus, allez. On dégage la vieille avec le vélo là, tu te pousses, hop là, voilà. Tu peux passer chez moi après ton service. Attention, oui, mais après l'intervention. Hein. D'accord. Hop. Allez, on avance là, la mère. Docteur Carter, il y a une grosse. Bon, allez, je pense qu'on va laisser. Gérard, sur RC, ils aimeraient bien avoir les conclusions, quoi. Hop, apparemment, on me dit sur mon beeper qu'il y aurait une. Ah, merde, Apolline, avec ton micro, tu me fais chier. Ouais, par un pitbull. Ah, c'est. Tu commences à me faire chier, toi, espèce de poufiasse. Hola, eh oh. Je te demande d'éteindre ton micro, t'as plus la parole le jeudi, d'accord? D'accord. Tu commences à me faire chier, toi, hein. Donc, en conclusion des deux débats. Alors, le retour de Piltar, c'était la merde. C'était génial. Oh, putain, c'est la catastrophe. Avec Manu. En tout cas, Gérard, c'est l'IRC. C'est Rigo, tu sais, qui m'a demandé la grosse note portugaise avec des poils. Bah ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai demandé sur l'IRC. Conclusion. Donc, conclusion de... Attends, parce qu'apparemment, ils donnent tous la même conclusion. Donc, conclusion générale de l'IRC, ton débat, il avait ni queue ni tête comme toi. Pour un débat sur les positions sexuelles, c'est quand même fort. Et la semaine prochaine, le thème des débats, ça sera... Tu la veux pas, la conclusion du Minitel? Et Davy One, il te dit merci pour le disque, les grosses portugaises. Parce que là, ils se sont tous retrouvés dans un café, ils sont 1200 à Saint-Germain-des-Prés, là. Aux deux mégots, ils sont aux deux mégots, là. Et ils font une teuf, ils t'écoutent sur Internet. Et donc, la conclusion, c'est on s'éclate et viens nous rejoindre, il y a de la bière à gogo. Alors par contre... Du rhum des femmes. Et de la bière, nom de Dieu. Donc, les thèmes de la semaine prochaine porteront sur l'Internet, parce qu'il y a un truc à voir... Je sais pas si vous pouvez pas faire le visiter, là. Ouais. Il y a un truc à voir en ce moment, là, qui passe sur TF1 dans peu de temps. Ah. Apolline, t'éteins ton micro pour la dernière fois. Il est éteint, Gérard. Non, il est allumé. C'est celui de Manu, ouais, bah, tu l'éteins. Attends, tu laisses mon micro allumé. T'es ouf. Oh là là là là là, ça vole là-dedans, ça vole. Je vous préviens les mecs, la semaine prochaine, vous allez morfler même dimanche. Et pas de problème, mon pote. Ouais. Donc alors les thèmes, ça sera l'internet et sur le sumo. Donc ça va concerner l'autre espèce de gros. C'est pas les sosies. De gros nounours. On parle pas de ta meuf. Non, on parle de la tienne, espèce de con. On parle pas des sosies la semaine prochaine. Non. Non, et puis d'accord. Toi, de toute manière, tu fermes ta gueule, c'est pas toi qui commandes sur les débats, c'est moi et Max, ok? Toi, tu fermes ta gueule, tu fais ton boulot. C'est tout ce que j'ai à te dire. Ok. T'as été aussi bien concerné. Non, c'est pour pas vrai ce que tu dis, parce que toi, nous, on a appris que t'étais assistant d'antenne comme nous et on n'est pas d'accord. Okay. Alors, tu fermes ta gueule. Ah, ok. C'est celui-là, ton débat, Gérard. C'est mes débats, je fais ce que je veux. Donc, pour terminer, regardez la télé, donc il y a deux reportages à regarder. Il y aura deux reportages à regarder sur les sumo. Et... ouais, samedi, il y a un reportage sur les... Oh, vous fermez vos gueules quand je parle, merci. Attends, je prépare l'émission à suivre. Ouais, c'est quoi alors? C'est ça? Arrêtez. Non. Déjà, il y a un micro qui va s'éteindre parce que ça commence à m'énerver. Donc, samedi, il y a un reportage à regarder à 13h15 sur TF1 sur les sumo. Donc, et puis il y a aussi un truc là qui doit se faire bientôt sur TF1, sur les internets. Donc, il y a pas mal de trucs. C'est les sumo. Tout à l'heure, toi, tu as plus gros clavier, c'est tout. Je sens que tu vas te prendre un micro dans ta gueule, toi là-bas, ça va te faire tout drôle. On n'est pas Neuilly, là. Hein? Alors donc, on se retrouvera la semaine prochaine. Là, vous allez retrouver Seb pour la nuit sans pub demain, 6h-9h, ouais, Bob. Ouais. Et puis après, toute la suite. Et bien sûr, Max, le Star System. Les noms, je les ai, mais il faut que je les retrouve. Alors, on va trouver ça tout de suite. Voilà, non. Merde. Putain de merde. C'est dommage, là. Faudra plus faire un petit coup de pub, là. Et ah ouais. C'est pour ça. Donc, il y a la loco. Donc, si vous voulez des places, vous pouvez appeler au 0803-08-5000 pour gagner des places. Et donc, il y aura comme invité... Si je retrouve ma feuille. On l'a peut-être voilà. Alors, DJ Pin, DJ Jean-Marica, DJ Morve, DJ Langue de pute, et en exclusivité, Guy et René au percu. Et voilà, donc moi je vous retrouve dès dimanche soir avec Sandy pour les conseils de Gérard et Sandy. Ouais. Dès 23h30, hein, c'est ça? Ouais, même avant, soyez là dès 10h, hein, si c'est possible. Et puis sinon, pour les débats, pour les conseils, 23h15, 23h30. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à la semaine prochaine. À dimanche, t'as pardon. T'as le titre là-haut? T'as le titre, tu te démerdes, j'ai pas de feuille. Moi, je n'ai pas le titre. Non, mais moi, tu mets ce que tu veux. Bah non, mais c'est pas moi qui décide, hein. Attends, Manu va te le donner. Bon, il y a des gens, je suis sûr, qui appellent pour la loco, mais personne s'en occupe. Ouais, c'est normal. On n'a pas envie, on est fatigué. Bon, bien sûr, toi, t'as rien foutu de la soirée. Eh ben ouais. Comme d'habitude. Alors. Bon, c'est un bon disque. Ah ouais, il est cool celui-là. C'est la grosse boulie avec ma quéquette dans ses bonnettes. Dans ses bonnets. Dans ses bourrelets. Tu sais pas lire. Ta gueule, toi.